cours numéro 3. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: وكذلك يشرع للأب إذا رزق بمولود أن يختار له الاسم الحسن فيسميه باسم حسن ولا يسميه باسم مكروه، لأن الاسم له تأثير على المسمى، وكل له من اسمه نصيب كما يقولون. نعم، on est toujours sur les étapes. Au départ, le Cheikh Al-Alama, Salih Al-Fawzan, Hafidhahullah, nassaha huna pour corriger, pour réformer, pour éduquer ces jeunes, il faut commencer au départ. Quand ils sont petits, quand ils sont encore bébés, thumma enfants. Il y en a celui qui donne du temps au départ, ça sera très facilité après. Et celui qui est négligent au départ, peut-être qu'il aura beaucoup de mal à corriger certaines choses plus tard. فمن الأمور التي ينبغي العناية بها تسمية هذا المولود avec un اسم حسن. كما قال الشيخ، لأن الاسم له تأثير على المسمى. صحيح، أن le prénom que tu vas choisir pour ton enfant, il aura un impact sur l'enfant. فلهذا choisir un nom طيب pour cet enfant, c'est mauvais. Ça fait partie de l'éducation. Et c'est pas à l'itlaq. Ba'dunnas, ils ont des prénoms tayyib, des beaux prénoms, et c'est des mujrimoun, ba'dhum c'est des kafara. C'est pas à l'itlaq. Celui qui a un bon prénom, il est forcément bon. Celui qui a un mauvais prénom, il est forcément mauvais. Là, lakin, ça peut avoir un impact. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné de choisir des bons prénoms. قال وخير الأسماء كما قال صلى الله عليه وسلم عبد الله وعبد الرحمن. نعم. لماذا؟ لأن هذه الأسماء ستعبيد للخالق عز وجل. Cet enfant عبد الله وعبد الرحمن. Ça montre que cet enfant, أنت, tu l'as appelé هكذا. لماذا؟ لأن tu espères et tu désires que cet enfant, il adore Allah سبحانه وتعالى. Il adore الرحمن عز وجل. فمن أفضل الأسماء bien sûr c'est Abdullah Abdurrahman comme جاء في هذا الحديث قال في الحاشية رواه مسلم. Et كذلك les autres noms المعبد لله عز وجل كما قال يعني بأن يعبد لله باسم من أسماء الله تعالى كعبد العزيز أو عبد الرحمن أو عبد الله أو عبد الكريم إلى آخر. نعم، للأسف بعض هذه الأسماء مهجورة. Beaucoup de gens ils ont délaissé l'appellation de leurs enfants ou d'appeler leurs enfants avec ces noms, alors que c'est أفضل الأسماء. قال إلى آخر أو يسميه محمدا أو عليا أو صالحا أو غير ذلك من الأسماء الطيبة. نعم، على كل حال c'est pas obligatoire de choisir un nom précis. لا المطلوب c'est de choisir un nom طيب, que ça soit un nom de prophète, un nom de messager عليهم الصلاة والسلام, ou un nom comme Abdullah Abdurrahman ila akhirah, ou un nom tayyib min asma'i as-sahaba Ali wa Salih etc. Salih c'est un nom d'un prophète, lakin ka Umar ou Uthman, hadhihi asma' tayyiba. Qala wa la yusammihi bismin tanfur minhu al-asma' fa inna al-ism lahu ta'thir 'ala as-sami' wa ta'thir 'ala al-musamma. Hadha sabayan tayyib. Un mauvais prénom ça peut faire du mal à l'enfant plus tard. Certains enfants ils pourront se moquer de lui. Ou ce nom il a un mauvais sens dans cet endroit où que tu vis. Même si c'est un nom qui est permis à la base, là, ils comprennent ce mot d'une mauvaise manière. Écarte-toi des doutes, écarte-toi des choses qui feront peut-être du mal à ton enfant. Ils s'entêtent, ils disent là, c'est un nom, je l'appelle comme ça. Ton enfant, tu sais pas s'il va pouvoir patienter comme toi. Certains ils vont se moquer dans la rue, certains, à chaque fois qu'il va citer ce nom, les gens ils vont le regarder. Ça va lui mettre un rire. Choisis un nom qui est propagé dans cet endroit où que tu vis et un nom mashrou' tayyib, alhamdoulillah. Et un nom, c'est qu'un nom. Il y a de l'importance. Lakin, il y a des étapes beaucoup plus importantes après. Ba'd an-nas, ils exagèrent via hadha al-bab. Pendant des mois, avant la naissance, ils recherchent des noms, des prénoms, ils font des recherches. Ba'dhum, ils cherchent l'originalité, la rareté. Un dieu, ils font beaucoup d'efforts. Alors que, alhamdoulilah, donner un prénom, ça prend quelques secondes, quelques minutes, walillah, alhamd, et l'insan, après, il passe à autre chose. Là, quand l'insan, il mélange les priorités. Ba'dhum, des mois, il parle de hada, il a arrêté. Cet enfant est né, alhamdoulilah, il lui donne ce prénom. Thumma l'enfant, wallah, il est livré à lui-même dès le début. La inaya, wala hirs alayhi, etc. Qu'est-ce qui va lui servir ce nom si après ça ne suit pas vite tarbiya? Robama, il a un joli prénom, il a arrêté. Et ça devient quelqu'un, une personne mauvaise, iyadam billah. Fal inaya, on ne doit pas se contredire. Et on donne de l'importance à ce point. Qu'est-ce que c'est, Alec ? Le fait de choisir un bon prénom. قال ولهذا لما جاء سهيل بن عمرو يصالح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وهو مشرك. نعم. Il n'était pas encore rentré في الإسلام سهيل. لما أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم سهل لكم من أمركم تفاؤلا باسم سهيل. فالاسم الطيب لا شك أن له تأثيرا على من يسمعه وعلى من يسمى به. نعم. Ça, ça montre que l'ism al-tayyib, lahu ta'thir. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a su que pendant le pacte de l'Hudaybiyah, celui qui était venu, c'était Sahl. C'était pas encore, ou plutôt c'était Suhail. C'était pas encore un compagnon. Enfin, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam parle Sahl alakum. Et votre affaire, elle va être facilitée, inshallah. Et tafa'ala bihad al-ism. Ça nous montre que un ism al-tayyib, alhamdulillah, ça donne de la joie, ça rappelle des bonnes choses, il a akhira. وكذلك من حقوق الولد على والده أن يعق عنه أو أن يعق عنه أي الوالد بأن يذبح عنه العقيقة عبادة لله وشكرا لله عز وجل لأنها فيها تقرب لله شكر لله وفيها تأثير حسن على المولود كذلك ستتاب il ne faut pas la négliger العقيقة pour un garçon deux bêtes et pour une fille une bête. قال لأن العبادة فيها خير لا شك أن cet enfant si le père au départ il lui donne un اسم طيب كذلك العقيقة كذلك tout ce qui est lié au sunan du nouveau né فلا شك أن هذا c'est du خير et cet enfant il commence sa vie avec ce خير فلعل الله سبحانه وتعالى يجعل فيه البركة et ça lui servira toute sa vie et ça c'est une responsabilité des parents. قال فيذبح على الغلام شاتين وعن الجارية شاتا واحدا وهذه السنة المؤكدة لها تأثير طيب على المولود. نعم بعض العلماء يقولون c'est واجب c'est obligatoire et d'autres يقولون c'est une sunna muakkada. On avait traité ولله الحمد ce sujet et les règles du nouveau-né il y a quelque temps et on essaiera inshallah ta'ala dans une kalima de refaire هذه المحاضرة لماذا لأنها لمهمة. وقال صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهن بعقيقة تذبح يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى فهذه أسباب لصلاح المولود وإجراءات يتخذها الوالد. قال وكذلك على الوالدين أن ينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم نحو الأولاد في قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع فالوالد راع ومسؤول عن رعيته والأم كذلك راعية ومسؤولة. Ça nous montre l'importance des parents. On a sept enfants qui commencent à grandir. Les parents, ils ont une responsabilité énorme de lui montrer al-haq, de lui montrer ce qui est utile pour lui. Et la chose la plus utile pour cet enfant, avant la bonne santé, avant le travail, avant ce qu'ils appellent l'avenir, avant toutes ces choses, c'est hada din al-azim. Et un des fondements de ce din, amoud hada din, comme a dit dans le hadith Mu'ad, radiyallahu anhu, c'est as-salat. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء السبع. أي ordonnez à vos enfants de faire الصلاة et ils ont encore 7 âges, 7 ans. قال واضربوهم عليها لعشر. Et si à 10 ans ils ne font pas الصلاة, فcorrigez-les. وفرقوا بينهم في المضاجع. قال الشيخ فعليهم أن يأمروا أولادهم إذا بلغوا سن السابعة بالصلاة. Et on doit appliquer ce hadith. Quand l'enfant, il arrive à 7 âges, 7 ans, On doit leur donner de faire as-salat. Ça ne veut pas dire que salat elle est obligatoire. Lakin huna kama qala al-shaykh wa in kanat laysat wajiba alayhim walakin li anna laha ta'thiran tayyiban alayhim. Pourquoi? Parce que à cet âge l'enfant il accepte encore beaucoup de ses parents. 7 ans, c'est pas encore l'âge de la rébellion, c'est pas encore l'âge l'enfant il veut faire des choix, il veut sortir, il est encore sarir. Il est encore souvent à la maison avec ses parents. Fa fi hadha al-hal on en profite. Cette période, il s'habitue de 7 ans à 10 ans. 3 ans. Et 3 ans, ça demande de la inaya. 3 ans, ça demande des sacrifices. Ça demande de l'insistance de la part des parents. Ça demande de la patience. Hatta cet enfant, il lui rappelle as-salat, le matin, le waqt al-duhur, l'après-midi, le soir. Qala li ajli an yatadarrabu alayha wa ya'lafuha. Et celui qui respecte hada al-hadith. فبإذن الله عز وجل il patiente sur cet enfant. Cet enfant arrivé à 10 ans, بإذن الله عز وجل الصلاه pour lui ça devient quelque chose de normal. Et إذا وفقه الله سبحانه وتعالى il ne pourra plus s'en passer et il ne pourra plus la délaisser حتى يموت. خاصة si les parents ils font dua. قال وكذلك يراقبوهم في النوم فلا يتركوا بعضهم قريبا من بعض لئلا لألا تدب بينهم الشهوة فيحصل الفساد فيباعد بينهم في الفرش ولا يتركوهم في منام واحد وهذا من الوقاية والوقاية خير من العلاج كما يقولون نصح من النبي عليه الصلاة والسلام pour les enfants أن à partir de 7 âge 10 ans فرقوا بينهم في المضاجع أنهم les garçons et les filles ne dorment plus ensemble لماذا كما قال الشيخ هذا c'est pour fermer les portes il y en a 7 âge À cet âge, à partir de 10 ans, l'enfant il va très rapidement changer. À partir de cet âge, certaines filles elles ont déjà leur monstrue. Et leur corps il change. Et certains enfants, garçons, ils commencent à être attirés par la beauté et la akhri. Enfin, pour fermer la porte du façad, même si c'est sa sœur, même si c'est son frère, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال فرقوا بينهم في المضاجع. Et on ferme cette porte. قال ولهذا لما نفذ الصحابة رضي الله عنهم هذه التوجيهات نحو أولادهم نشأ منهم شباب قادوا الأمة بالعلم. C'est pour ça que les Sahaba رضي الله عنهم ils ont donné beaucoup d'importance à هذه التوجيهات que ce soit في التربية في الخلق في المعتقد dans la croyance dans les bons comportements dans la nourriture dans le fait de dormir, de rentrer, de sortir, les fréquentations, ils ont eu des enfants, comme a dit le shir, « Qadu l'umma bil'ilm wa bil'jihad wa bil'ta'lim ». Les enfants de Sahaba, radiyallahu anhum, c'est devenu les guides de la umma. Dans l'ilm, dans la science, dans bab al-jihad, cette ibad adhima, une génération de courageux, « La yakhafuna fillah lawma tala'im wa la yakhafuna ghayra Allah, azza wa jal » et kadalik fil-ta'lim. Dans l'enseignement. Ils ont patienté, ils ont voyagé, ils ont fait beaucoup de sacrifices. Limana, les anoum, ils ont été préparés à hada. Certains de nos enfants, certains jeunes, ils ne peuvent pas ouvrir le mushaf. Une minute, ils ne peuvent pas. Limana, les anoum, il a l'habitude des écrans, des jeux vidéo. L'enfant, s'il s'habitue à hada, chaque enfant, il est attiré par hada. Khassatan, à notre époque, les jeux vidéo, c'est plus comme avant. C'est devenu proche de la réalité. Et il y a beaucoup de jeux. Et c'est devenu presque gratuit avec Internet. Il a akhri. Pas comme à l'époque. Pour avoir un jeu, il y avait un tab shadid. Et l'enfant, il se lassait très vite. Toujours le même jeu. Et il se lassait, il sortait. Ça a complètement changé. Un jeu, le lendemain, une nouveauté, elle sort. Thumma, ils ont inventé tous ces jeux connectés. Il peut jouer avec des gens qu'il ne connaît pas. Il a akhri. Ça lui prend tout son temps. Hadal walad. Si tu lui donnes un mushaf, un livre, il ne peut pas. Il va essayer de te faire plaisir. 5 minutes, 10 minutes, après, il ne peut pas. Il n'a pas été préparé à ça. Kadhalik, بعض الشباب ابتلوا بالخروج. Ils sont toujours dehors. Thumma, بعضهم, عياذا بالله, ils tombent dans la délinquance, dans la drogue, dans des bagarres, dans de la violence. Il a affaire. Cet enfant, si tu veux le faire rentrer chez toi pour qu'il lise, pour qu'il apprenne, même pas, tu veux même pas qu'il lise, qu'il apprenne, il y en a où il peut pas. Il reste chez toi, tu peux plus. Tu peux plus arriver à 14, 15, 16 ans, tu ne pourras plus. Illa an yasha Allah. Amma si au départ on les habitue, c'est beaucoup plus simple. Là, il faut un tambih muhim. En habituer cet enfant dans un mujtama où personne ne fait cela, c'est très très compliqué. Et on ne doit pas vivre dans des takhayulat. On ne doit pas vivre comme dans un rêve et s'imaginer des choses et al-waqi' c'est différent. Il y en a sept enfants, si un tas tu veux lui apprendre cela, lakin du matin au soir il est à l'école. Un tas le soir tu vas lui dire il faut faire telle chose, il faut faire telle chose, il va t'écouter. Thumma, le lendemain matin il est à l'école de 8h jusqu'à 17h. Ah, la chaque, il va voir des choses, il va entendre d'autres choses. Donc il faudra pas s'étonner après qu'il a du mal à appliquer, c'est normal. Tu lui dis une chose, Thumma, tu l'exposes au contraire. C'est contradictoire là. Pour que ça soit mis en application, il faut vivre dans un endroit qui facilite. Amma inda a'da illa inda al-kafara, c'est très très compliqué. La première chose, ils vont t'obliger l'école. Et l'école, c'est 8 heures. Et 8 heures, t'as le monde, c'est mélangé avec des garçons, avec des filles. Hada, c'est un musulman, hada, c'est un kafir, hada, c'est un. Et l'enfant, il voit des choses, il entend des choses. Tu lui apprends une chose, il voit le contraire. Là, chacun a. Il y a ta'athar. L'enfant, il est touché par son environnement. C'est comme vouloir planter une graine, comme Ataqaddam ma'ana dans les premiers doulous l'exemple, c'est comme vouloir planter une graine dans une terre qui n'est pas adaptée. Dans une terre sale, dans une terre qui n'accepte pas. Et même si la graine, elle est taillée au départ, elle aura du mal à pousser, si elle pousse. En général, elle ne pousse pas. Les mains, elle est à l'endroit, il n'est pas adapté. Ça nous montre l'environnement. يلعب دورا عظيما فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ils étaient la plupart في المدينة et il y avait cet environnement في العلم إلى آخره ben ils ont fait des efforts حتى la génération qui est venue les enfants de الصحابة رضي الله عنهم فكما قال قادوا الأمة وفتحوا كثير من الأمصار très rapidement les conquêtes direction de l'Afrique, direction de l'Irak, direction du Yémen, direction de l'Asie, très très rapidement. Très très rapidement, hatta une autre génération elle est venue, hatta une autre génération jusqu'à nos jours, et on ne peut plus faire cela. Amma as-sahaba radiyallahu anhum à leur époque, la durée de vie qu'ils ont eue, et kadalik leurs enfants, c'était futuhat à la futuhat. Ils sont arrivés jusqu'en Europe, très très rapidement. Thumma, les générations qui sont venues après, ils n'ont pas suivi. Limada, les annahu, ils n'ont pas été éduqués comme haoula. Plus on s'éloigne de l'éducation de sahaba, radiyallahu anhu, plus on aura des faiblesses. Dans l'ilm, dans le djihad, dans le ta'lim, dans le comportement, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. C'est pour ça qu'on a fait ce rappel. On ne doit pas vivre dans takhayulat, se faire des rêves. Hagada, s'imaginer certaines choses. L'enfant, s'il est dans un mauvais endroit, il aura beaucoup de mal. C'est tout à fait normal quand tu réfléchis. Fafi Bardel Amakin, certains quartiers, certaines cités, l'enfant il expose à des mauvaises choses. Il restera pas à la maison. Les mains, dans ce pays, le système il est pas fait pour rester à la maison. Il est à l'école du matin au soir. Donc, les parents ils veulent lui faire plaisir, ils vont l'inscrire au sport. Enfin, il va aller au sport 1-2 heures, il va encore faire des autres connaissances. Donc, il le laisse sortir. Tu peux pas toujours l'enfermer. Ah, ils vont le laisser sortir. Il va sortir s'il habite dans certains endroits. Enfin, c'est délinquant s'il a akhir. Enfin, cet enfant, il aura beaucoup de mal. Illa an yasha Allah. Les mains dans le site, tout cela, pour que les parents, ils prennent conscience, l'éducation de l'enfant, c'est pas que de lui dire, mange la main droite, dis bismillah, et ça s'arrête là. L'éducation de l'enfant, comme a le shir, ça commence quand il est bébé. Choisis un beau prénom, al-aqiqa. Donc, quand il arrive à 7 ans, tu lui ordonnes de faire un salat, hatta il s'habitue à 10 ans, tu le corriges s'il a des lettres, et kadalik, tu choisis un endroit taillé pour cet enfant. Un pays musulman. Un pays où il y a du ilm, c'est encore plus profitable pour lui. Hatta, alhamdulillah, même s'il sort dans un pays musulman, alhamdulillah, il n'est pas exposé comme Bilad al-Kufr. Naam. Et fi Bilad muslim, s'il reste chez toi, alhamdulillah, personne ne te dira pourquoi il reste chez toi. Et fi Bilad muslim, si tu le corriges parce que il n'a pas fait cela, personne ne te dira pourquoi tu l'as corrigé. Amma fi bilad al-kufr, si on vient appliquer hada al-hadith, on a cet enfant, s'il est corrigé à 10 ans parce qu'il ne fait pas salat, ça peut te faire beaucoup de problèmes. Khasatan, si l'enfant il va à l'école, et l'enfant, miskin, les enfants, ta'alamoun, ceux qui ont des enfants, ya'alamoun, les enfants, ils disent tout. Ils ne savent pas, ils ne savent pas peser les choses, mesurer les choses. Ben cet enfant, il dit, j'ai été frappé parce que je fais pas la salade, ça te fera de graves problèmes. Enfin, comment faire là? On délaisse le hadith. Si on délaisse le hadith, on a délaissé un taoudji, mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La solution, c'est pas de délaisser le hadith. La solution, c'est de délaisser l'endroit qui peut te faire du mal. C'est pour ça que tout est lié avec le haqiqa. Si on prend le domaine de l'aqida, neuf ce shay. Cet enfant, on doit donner beaucoup d'importance à l'aqida pour que ces jeunes, walillahilhamd, yataqiduna aqidat as-salaf. Que ce soit dans les noms d'Allah, dans les attributs, que ce soit fil wala, fil bara, que ce soit avec ahl al-bida' ou al-kufr, etc. Si tu lui apprends cette aqida, wala, tu dois faire des efforts un tas pour l'apprendre, pour lui enseigner. Et si un tas tu as fait des efforts et tu veux lui enseigner, si il va à l'école, l'école ça contredit totalement cette aqida. Il va apprendre des choses matin et soir qui contredisent hadha al-mu'taqad. Et est-ce que tu as une assurance, une garantie que ton enfant il va choisir ce que tu lui apprends toi ou ce qu'ils lui apprennent eux. L'enfant est dans une situation délicate. Il y en a un tas, tu lui apprends des choses et tu l'as placé dans un endroit où, dans certains points, c'est l'inverse. Tu n'as aucune garantie. C'est pour ça qu'il y a une immense différence entre les enfants qui ont grandi fi bilad l'islam et bilad al-muslimin. Bien sûr, il y a des différences entre bilad. Lakin, un enfant qui a grandi dans un pays musulman, un enfant qui a grandi vu l'alcool, c'est pas pareil. Tu le vois comment il parle, comment il mange, comment il se comporte, niveau dîn, niveau Coran, il y a une énorme différence. Allez, là, ceux qui ont des enfants, ils ne doivent pas négliger hadha al-bab al-azim, bab al-hijra. Kadhalik, n'oubliez pas, anna as-sahaba radiyallahu anhum, ils ont fait l'hijra, ma'a nabi sallallahu alayhi wa sallam. Thumma, ils ont eu des enfants qui ont grandi fi bilad al-islam, fi al-Madinah. الحمد لله قال الشيخ قادوا الأمة بالعلم وبالجهاد وبالتعليم وفي الدعوة إلى الله من أمثال ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين هؤلاء العلماء الصحابة رضي الله عنهم الأئمة قال الشباب من الصحابة قال الشباب من الصحابة يدوي ذكرهم الآن في التاريخ نعم كانه يدوي أو يدوي قال لأنهم نشأوا على توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى تربية آبائهم لهم على الخير نعم ils sont cités dans les livres d'histoire ils sont cités حتى des ennemis de l'islam ils reconnaissent فضل بعض هؤلاء رضي الله عنهم leur courage leur science leur compréhension leur sacrifice إلى آخره قال فلا نطلب الصلاح من الأولاد ونحن مهملون لهم أيها الأب أيتها الأم essaye de méditer sur ce passage il est très très bénéfique فلا نطلب الصلاح من الأولاد on ne demande pas à nos enfants de se corriger de faire des efforts ونحن مهملون لهم et نحن on fait pas d'efforts tu demandes à ton enfant de pas parler avec certains mots ben t'as l'air de dire des insultes et la akhirah Tu le laisses à l'école avec des gens qui insultent du matin au soir. Hada c'est min al-ihmal. Là, hada c'est comme si tu donnes à ton enfant une mauvaise chose, une arme, et tu dis à ton enfant ne l'utilise pas. Garde cette arme, ne l'utilise pas. Tu peux pas faire confiance à un enfant. Hada la yasluh. C'est comme si tu donnes quelque chose de bouillant à ton enfant et tu lui dis ne te brûle pas. S'il prend cette chose bouillante, il se brûlera. Falihada, on doit faire attention. Qala fala natlub. الصلاح من الأولاد ونحن مهملون لهم. قال بل نعمل الأسباب لصلاحهم. On doit faire les causes. Il y a plusieurs causes. Et on répète une cause très très importante que les Sahaba radiallahu anhum ils ont appliquée, c'est Al-Hijra. Délaisser les mauvais endroits pour que cet enfant il vive dans un environnement tayyib. Un environnement où il entend l'Aden. Un environnement quand il sort, où il voit, il entend des muslimouns. Et il a des repères, il a des principes. Thomas, si tu fais des efforts à la maison, alhamdoulilah. Malgré on vit une époque, hatta fi bilad muslimin, tu dois faire attention. Il y en a, hadha al-kalam, ne pas comprendre, il y en a fi bilad muslimin, les jeunes, ils s'égarent pas, il a akhri, abadan. Abadan, c'est pas ça le sens de ces propos. Lakin, au moins, tu fais des efforts pour minimiser la casse, comme il y a qu'on dit. Et il n'a pas avec cet effort, Allah subhanahu wa ta'ala, il te guide et guide ton enfant. Amma, baisser les bras. Et comme il dit Al-Ba'd, c'est la même chose. On a été en vacances, et fi bilad muslimin, les enfants, ils insultent, ils font, c'est la même chose. Abadan. Abadan. Un enfant qui insulte, ça arrive même fi bilad muslimin. Lakin fi bilad muslimin, il apprend pas ce que cet enfant il apprend fi bilad al kufr. Il y a une énorme différence. Et encore plus si ce bilad sunna wal ilm. Qala بل نعمل الأسباب لصلاحهم أما أننا نطلب منهم الصلاح من غير أن نعمل الأسباب هذا من الضياع. الضياع تعلمون c'est quoi الضياع؟ الضياع c'est quelque chose qui ne marche pas, quelque chose qui ne vaut rien, quelque chose qui ne durera pas, c'est ça الضياع. أما on demande, on prétend, on leur dit de faire du bien et on ne fait pas les causes. Ben la moindre chose, le téléphone, la moindre chose ouvre la porte et sort. Certains parents, ils sont hagada, ils ne peuvent pas patienter. Et un problème, ils ouvrent et ils laissent cet enfant sortir. L'essentiel, c'est qu'il se retrouve tout seul, il se repose. Ça, c'est Minadoya. Cet enfant, dès qu'il sort, il est exposé à beaucoup de choses. Tu veux qu'il sorte, sors avec lui, fais des sacrifices. Il y en a ceux qui n'ont pas encore d'enfants, celui qui n'est pas encore marié, il ne regarde pas que les bons côtés, si on peut appeler le mariage. Il veut se marier et ça va impliquer d'avoir des enfants et ça s'arrête là. Regarde loin. Avoir des enfants, c'est une énorme responsabilité. Surtout à notre époque. Et encore plus ceux qui vivent Vibilad le Kofr. La responsabilité, elle est énorme. C'est toi le responsable de cet enfant. Et Vibilad le Kofr, il est exposé à beaucoup de méfaits. Allez, alors, on réfléchit. On réfléchit et on fait des efforts. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat wa al-afiyah. قال هذا من الضياع ومن طلب العلا من غير كد فقد أضاع العمر فقد أضاع العمر في طلب المحال. نعم celui qui espère avancer طلب العلا c'est-à-dire être élevé avancer من غير كد الكد c'est les efforts فقد أضاع العمر في طلب المحال هذا الحقيقة il perd son temps dans une chose impossible. لماذا؟ لأنه يفعل لي ليزيفور. قال فلا بد من الأسباب إذا كنتم تريدون أن شبابكم ينشأون على الخير والصلاح وعلى خدمتكم وخدمة الأمة فاعتنوا بهم. Si on veut que nos jeunes soient utiles pour la communauté, utiles pour leurs propres parents, utiles pour eux, فلا بد من عناية. On répète, c'est comme une graine. Tu dois en prendre soin. تأملوا الآن الفوضى qu'il y a dans. Si on prend l'exemple en France, il y en a la plupart, on connaît la France. Dans certains quartiers, dans certaines villes. La délinquance, la drogue. Les Mandaléanaoum, ils n'ont aucun repère. Aucun repère. Ils ont été éduqués par quoi? Par qui? Par l'école. L'école, elle ne te donnera jamais une éducation. Si tu aimes ton dîn, qui est en concordance avec le Coran ou la Sunna, abadan, bel haoulay combattent le Coran et la Sunna. Thumma, cet enfant, il est exposé à quoi? Avec l'école, il ne lui donne pas de bons principes pour patienter, pour s'écarter du haram. Il a arrêté. Tout mal enfant, il est exposé à quoi? Le sport, les jeux vidéo, les films, la musique. Et toutes sortes de haram. Et il pense qu'à l'argent. Son but, c'est faire de l'argent. Faut blesser, faut voler, faut tuer, faut casser. Ça devient ça son objectif. Ah bah, c'est quoi la cause? C'est que cet enfant, il a été exposé à cet environnement. Dans la plupart des endroits, c'est comme cela. C'est comme cela. C'est pour ça que tu trouves une énorme différence entre l'égarement des jeunes fi bilad l'islam et l'égarement des jeunes maintenant en France. Fi bilad muslimin, il n'y a pas de jeunes qui cassent des voitures, qui brûlent des voitures. Il n'y a pas min hada. Tu trouves maintenant les jeunes fi bilad muslimin, même s'ils ont des faiblesses, il a mais ils respectent les forces de l'ordre, si tu prends ce point. Fi bilad al-kufr, il n'y a plus hada. L'imam, les Anna, ses enfants, ils ont été éduqué avec ce système, l'anarchie, toujours tu dois te révolter, te rebeller, manifester. Depuis qu'ils sont petits, ils leur apprennent ça. Faiblesse musulmane, c'est le contraire. Tu trouves les égarements maintenant par rapport au sport, la musique, qui suivent des acteurs. Il y a ça. Pourquoi? Parce que ils ont emmené leur char avec les médias et avec Internet. C'est pour ça que même faiblesse musulmane, hein, les croyants, ils sont touchés, leurs enfants, ils sont touchés. Tu dois faire des causes pour limiter ça, pour pas que tes enfants, ils ont accès à la khasatan quand ils sont jeunes et leur donner une éducation pour que, inshallah ta'ala, ils délaissent ces choses. Enfin, on voit, même fi bilad muslimin, tu as besoin d'un juhd. Amma fi bilad kufr, tu dois faire attention à son téléphone. Tu dois faire attention quand il est chez toi. Quand il est dehors, khalas. Quand il est dehors, c'est une musib. Wallah al-musta'an. Qala, fa'tanu bihim wasbiru ala ma tulaqoun min at-ta'ab nahwahum. فإن هذا في سبيل الله، قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. صحيح، هذا نوع من الجهاد. À notre époque, tarbiyat al-abna, c'est un jihad fi sabilillah. Wallahi, c'est min al-jihad. N'ai aucun doute fi hada. Pourquoi? Parce que ces enfants, ils sont exposés aux ennemis de l'islam. Et anta tujahid nafsak. Quand on a dit c'est un jihad fi sabilillah, min jihad nafs. Tujahid nafsak pour faire des efforts pour que cet enfant yabqa ala tariq. Hada, ça demande de la patience. Wa'mur ahlaka bis salat wa astabir alayha. Obligé de patienter et ne pas baisser les bras. Et nasiha ba'd nasiha. Et cet enfant t'essaye, ahyanan, la dureté, kathiran, la douceur. T'essaye de l'attirer vers toi, qu'il te fasse confiance. Et tout ça avec ad-du'a. Et inshallah ta'ala, yahsul khayr. Qal falabud min as-sabr. Amma an tastarih wa turid waladak an yasluha hada ba'id. Amma celui qui veut le repos et il espère que son enfant il va être éduqué, il va se réformer, se corriger seul. Hada, c'est ba'id. Hada, c'est très très loin. N'oubliez pas, al-mu'allif, hafidahullah ta'ala, il est originaire et il vit dans le mamlakat al-arabiyyat al-sa'udiyya. Baladun tayyib. Baladun qui est fondé sur aqidat al-Qur'an ou al-sunnah. Leurs écoles, c'est pas comme les écoles des autres. Dans la rue, c'est pas comme les autres. Leur masajid fait akhir kathir. Malgré cela, leurs jeunes, ils sont pas à l'abri de beaucoup de choses. Et beaucoup de leurs jeunes, ils sont tombés dans de mauvaises choses. Fait shaykh yansah avec ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Amma, certains de nos jeunes, nahnu, c'est beaucoup plus délicat. Fali hada, kama qal, amma antastarih, tu veux le repos? Fahada la. Hada la. C'est pas une solution de lui donner le téléphone, de l'inscrire dans tel sport. C'est pas une solution s'il y a des mukhalafat. Tu vas te reposer un certain temps, thumma, le mal il reviendra au-dessus de ta tête. Il y en a 7 enfants, c'est ton enfant. Tu peux pas le rejeter, tu peux pas le nier. S'il a une mauvaise éducation, il grandira, ses problèmes ils te toucheront. Fais des efforts au départ. Wasbir. Fais des efforts au départ. Accroche-toi. Alhamdulillah, le temps il passe très vite. Thumma, tu trouveras les fruits de ces efforts. Comme a dit, لابد من الصبر والاحتساب وصلاح النية. Donc tu as ces trois choses. صبر واحتساب وصلاح النية. Patiente, واحتسب, ces efforts que tu fais, espère la récompense عند الله. Il y en a celui qui éduque ses enfants, il aura une énorme récompense عند الله. وصلاح النية. نعم, et l'intention. Une bonne intention. Une bonne intention. Ces efforts, bi-idhnillah, c'est pour toi, c'est pour cet enfant. Et qabla dhalik, tu espères la récompense, comme taqaddam. Qala fa idha fa'alta al-asbab as-saliha fa inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana 'amala. Qala ta'ala walladhina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum bi-imanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min 'amalihim min shay' kullu mri'in bima kasaba rahin. Alhaq Allahu al-awlad bi-aba'ihim fil jannah. تأمل سبيخ أن celui qui fait des efforts et ses enfants ولا الحمد يؤمنون et ça devient des croyants comme les parents, enfin ses enfants ils rejoindront leurs parents في الجنة. Donc ça nous montre أن cette étape de dunya كما تقدم معنا on est في jihad في الصراع. C'est un combat permanent entre la vérité et le faux avec tes enfants et avec autres. Enfin, tu dois t'accrocher et le repos ça sera في الجنة. Mais celui qui veut le repos vite dunya, il va se laisser aller, il va se faire beaucoup de mal. قال لأن آباءهم نشأوهم على الإيمان والطاعة والعبادة والخير. لكن pourquoi ces enfants ils rejoindront leurs parents qui ont cru في الجنة? Parce que leurs parents ils leur ont montré cette foi. فلهذا قال à la fin du verset كل امرئ بما كسب رهين. Et ça veut pas dire que les enfants ils rejoindront forcément leurs parents. أبدا. Il y a des parents maintenant ils sont croyants, leurs enfants c'est des couvards. Enfin, les enfants, ils iront en enfer et les parents au paradis. Là, c'est si les enfants, ils suivent leurs parents dans l'iman, dans la foi et dans la mise en application. Qala, wal'ibada wal'khayr fattaba'uhum wa saru ala nahjihim. Wa fi yawm al-qiyama idha dakhla aba'uhum al-janna wa dakhla al-awlad al-janna wa sara al-abna fi manzilatin wal-aba fi manzilatin a'la. Fa inna Allah yatakarram ala al-aba fa yarfa' awladahum aw al-aks. Ça c'est min fadlillahi subhanahu wa ta'ala. Anna les parents ou les enfants ils rejoindront les parents. Si on qadr que les parents ils avaient un niveau beaucoup plus élevé que leurs enfants, Maintenant, dans la science, dans la mise en application, dans le taqwa. Enfin, les parents, ils auront un degré plus haut que leurs enfants fil Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala, il fera rejoindre les enfants, leurs parents, dans le même degré. هذا قوله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. Et les enfants, ils rejoindront les parents, même s'ils n'ont pas œuvré pareil. Ça, c'est min fadlillah. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut, ou l'axe, ou l'inverse. Tu as fait des efforts dans l'éducation, Thomas, cet enfant, il te dépasse. Ça arrive souvent. L'enfant, il dépasse le père ou la mère dans la science, dans la mise en application, etc. Enfin, cet enfant, il aura mérité un degré plus haut, fil Jannah. Les enfants, ou plutôt les parents, ils rejoindront cet enfant. Le même degré. قال إذا كان الآباء في منزلة والأولاد في منزلة أرفع فإن الله يتكرم على الآباء فيجمعهم بأولادهم في الجنة لتقر أعينهم بذلك. نعم. أي pour que ses enfants et ses parents ils soient heureux et ils vivent ensemble éternellement في الجنة. Enfin, ça doit être ça notre objectif. Est-ce qu'on a déjà réfléchi à faire des efforts pour qu'on soit rassemblés avec nos enfants في الجنة et on vive en paix et Alhamdulillah, avec tous les délices qu'il y a fil Jannah, etc. Est-ce qu'on pense à... On pense pas que cet enfant, il faut qu'il aille à l'école, il faut qu'il travaille, il faut qu'il ait un diplôme et je profite un peu de l'argent. C'est pas un objectif. C'est pas un objectif. Khasatan à notre époque. Al-shar kathir. Wa al-mukhalafat muntashira. Wa al-afkar al-haddama kathalik muntashira. Cet enfant, s'il a pas des bases solides dans son din, il sera exposé à un énorme danger. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهدي أولادنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. Et le but de cette risala, c'est de s'encourager. Et pour s'encourager, on doit pointer où que ça fait mal. La solution, c'est pas de dire tout va bien. Alhamdulillah, on cite que les bonnes choses. Là, alhamdulillah, le khayr hasil dans beaucoup d'endroits. Lakin pour se corriger, se réformer, il faut pointer où que ça fait mal. Et inshallah, on fait des efforts pour se corriger fi hadhihi al-umur. Et alhamdulillah. Et chacun par rapport à sa situation. Celui, walillahi alhamd, qui est dans une bonne situation, fali ahmadillah. Qu'il soit reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il fasse des efforts pour aider ses frères. Celui qui est dans une situation délicate avec ses enfants, fali ahmadillah, c'est un rappel pour lui. Il essaye de se corriger et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala at-taysir. Naktafi bihada, et on passe à la troisième partie, à la lecture de la fatwa, inshallah.